Chapitre 14. Neige et loup. Il fallut de nouveau emboîter le pas derrière mon maître, et la bretelle de ma harpe, tendue sur mon épaule endolorie, cheminait le long des grandes routes, par la pluie comme par le soleil, par la poussière comme par la boue. Il fallut faire la bête sur les places publiques, et rire ou pleurer pour amuser l'honorable société. La transition fut rude, car on s'habitue vite au bien-être et au bonheur. J'eus des dégoûts, des ennuis et des fatigues que je ne connaissais pas avant d'avoir vécu pendant 2 mois de la douce vie des heureux de ce monde. Plus d'une fois, dans nos longues marches, je restais en arrière pour penser librement à Arthur, à Madame Milligan, au cygne, et par le souvenir, retourner et vivre dans le passé. Ah, le bon temps! Et quand le soir, couché dans une sale auberge de village, je pensais à ma cabine du cygne, combien les draps de mon lit me paraissaient rugueux. Je ne jouerai donc plus avec Arthur, je n'entendrai donc plus la voix caressante de Madame Milligan. Heureusement, dans mon chagrin, qui était très vif et persistant, j'avais une consolation. Mon maître était beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre même, si ce mot peut être juste appliqué à Vitalis, qu'il ne l'avait jamais été. De ce côté, il s'était fait un grand changement dans son caractère, ou tout au moins dans ses manières d'être avec moi, et cela me soutenait. Cela m'empêchait de pleurer quand le souvenir d'Arthur me serrait le cœur. Je sentais que je n'étais pas seul au monde, et que dans mon maître, il y avait plus qu'un maître. Souvent même, si j'avais osé, je l'aurais embrassé, tant j'avais besoin d'épancher au dehors les sentiments d'affection qui étaient en moi. Mais je n'osais pas, car Vitalis n'était pas un homme avec lequel on risquait des familiarités. Tout d'abord, et pendant les premiers temps, ça avait été la crainte qui m'avait tenu à distance. Maintenant, c'était quelque chose de vague, qui ressemblait à un sentiment de respect. En sortant de mon village, Vitalis n'était pour moi qu'un homme comme les autres, car j'étais alors incapable de faire des distinctions. Mais mon séjour auprès de Madame Milligan m'avait jusqu'à un certain point ouvert les yeux et l'intelligence. Et chose étrange, il me semblait, quand je regardais mon maître avec attention, que je retrouvais en lui, dans sa tenue, dans son air, dans ses manières, des points de ressemblance avec la tenue, l'air et les manières de Madame Milligan. Alors je me disais que cela était impossible, parce que mon maître n'était qu'un montreur de bêtes, tandis que Madame Milligan était une dame. Mais ce que me disait la réflexion n'imposait pas silence à ce que mes yeux me répétaient. Quand Vitalis le voulait, il était un monsieur, tout comme Madame Milligan était une dame. La seule différence qu'il y eut entre eux tenait à ce que Madame Milligan était toujours dame, tandis que mon maître n'était monsieur que dans certaines circonstances. Mais alors il l'était si complètement qu'il en eût imposé au plus hardi comme au plus insolent. Or, comme je n'étais ni hardi ni insolent, je subissais cette influence, et je n'osais pas m'abandonner à mes épanchements, alors même qu'il les provoquait par quelques bonnes paroles. Après être partis de Sète, nous étions restés plusieurs jours sans parler de Madame Milligan et de mon séjour sur le cygne. Mais peu à peu ce sujet s'était présenté dans nos entretiens, mon maître l'abordant toujours le premier. Et bientôt il ne s'était guère passé 2 jours sans que le nom de Madame Milligan fût prononcé. « Tu l'aimais bien, cette dame ?» me disait Vitalis. « Oui, je comprends cela. Elle a été bonne, très bonne pour toi. Il ne faut penser à elle qu'avec reconnaissance. » Puis souvent il ajoutait. « Il le fallait. » Qu'avait-il fallu ? Tout d'abord, je n'avais pas bien compris, mais peu à peu j'en étais venu à me dire que ce qu'il avait fallu, ça avait été repousser la proposition de Madame Milligan de me garder près d'elle. C'était à cela, assurément, que mon maître pensait quand il disait « il le fallait ». Et il me semblait que dans ces quelques mots, il y avait comme un regret. Il aurait voulu me laisser près d'Arthur, mais cela avait été impossible. Et au fond du cœur,

il faudra nous mettre à l'abri dans la première maison que nous rencontrerons. » C'était là une bonne parole qui ne pouvait m'être que très agréable. Mais où trouverions-nous cette maison hospitalière? Avant que la neige nous enveloppât dans sa blanche obscurité, j'avais examiné le pays aussi loin que ma vue pouvait s'étendre, et je n'avais pas aperçu de maison, ni rien qui annonçât un village. Tout au contraire, nous étions sur le point d'entrer dans une forêt dont les profondeurs sombres se confondaient dans l'infini, devant nous, aussi bien que de chaque côté sur les collines qui nous entouraient. Il ne fallait donc pas trop compter sur cette maison promise. Mais après tout, la neige ne continuerait peut-être pas. Elle continua, et elle augmenta. En peu d'instants, elle avait couvert la route, ou plus justement, tout ce qui l'arrêtait sur la route. Tas de pierres, herbes des bas-côtés, broussailles et buissons des fossés, car poussée par le vent qui n'avait pas faibli, elle courait, ras de terre, pour s'entasser contre tout ce qui lui faisait obstacle. L'ennui pour nous était d'être au nombre de ces obstacles. Lorsqu'elle nous frappait, elle glissait sur les surfaces rondes, mais partout où se trouvait une fente, elle entrait comme une poussière et ne tardait pas à fondre. Pour moi, je la sentais me descendre en eau froide dans le cou, et mon maître, dont la peau de mouton était soulevée pour laisser respirer Jolicoeur, ne devait pas être mieux protégé. Cependant, nous continuions de marcher contre le vent et contre la neige, sans parler. De temps en temps, nous retournions à demi la tête pour respirer. Les chiens n'allaient plus en avant. Ils marchaient sur nos talons, nous demandant un abri que nous ne pouvions leur donner. Nous avancions lentement, avec peine, aveuglés, mouillés, glacés. Et bien que nous fussions depuis assez longtemps déjà en pleine forêt, nous ne nous trouvions nullement abrités, la route étant exposée en plein au vent. Heureusement, est-ce bien heureusement qu'il faut dire, ce vent qui soufflait en tourmente s'affaiblit peu à peu. Mais alors la neige augmenta, et au lieu de s'abattre en poussière, elle tomba, large et compacte. En quelques minutes, la route fut couverte d'une épaisse couche de neige dans laquelle nous marchâmes sans bruit. De temps en temps, je voyais mon maître regarder sur la gauche, comme s'il cherchait quelque chose. Mais on n'apercevait qu'une vaste clairière dans laquelle on avait fait une coupe au printemps précédent, et dont les jeunes baliveaux, aux tiges flexibles, se courbaient sous le poids de la neige. Qu'espérait-il trouver de ce côté? Pour moi, je regardais droit devant moi, sur la route, aussi loin que mes yeux pouvaient porter, cherchant si cette forêt ne finirait pas bientôt et si nous n'apercevrions pas une maison. Mais c'était folie de vouloir percer cette averse blanche. À quelques mètres, les objets se brouillaient et l'on ne voyait plus rien que la neige qui descendait en flocons de plus en plus serrés et nous enveloppait comme dans les mailles d'un immense filet. La situation n'était pas gaie, car je n'ai jamais vu tomber la neige alors même que j'étais derrière une vitre dans une chambre bien chauffée, sans éprouver un sentiment de vague tristesse. Et présentement, je me disais que la chambre chauffée devait être bien loin encore. Cependant, il fallait marcher et ne pas se décourager, parce que nos pieds enfonçaient de plus en plus dans la couche de neige qui nous montait aux jambes, et parce que le poids qui chargeait nos chapeaux devenait de plus en plus lourd. Tout à coup, je vis Vitalis étendre la main dans la direction de la gauche, comme pour attirer mon attention. Je regardai, et il me sembla apercevoir confusément, dans la clairière, une hutte en branchage recouverte de neige. Je ne demandai pas d'explication, comprenant que si mon maître m'avait montré cette hutte, ce n'était pas pour que j'admirasse l'effet qu'elle produisait dans le paysage. Il s'agissait de trouver le chemin qui conduisait à cette hutte. C'était difficile, car la neige était déjà assez épaisse pour effacer toute trace de route ou de sentier. Cependant, à l'extrémité de la clairière, à l'endroit où recommençaient les bois de haute futaie, il me sembla que le fossé de la grande route était comblé. Là, sans doute, débouchait le chemin qui conduisait à la hutte. C'était raisonné juste. La neige ne céda pas sous nos pieds lorsque nous descendîmes dans le fossé, et nous ne tardâmes pas à arriver à cette hutte. Elle était formée de fagots et de bourrées, au-dessus desquels avaient été disposés des branchages en forme de toit. Et ce toit était assez serré pour que la neige n'eût point passé à travers. C'était un abri qui valait une maison.

Ce double examen le convainquit qu'il n'y avait rien à manger. Alors, il revint à sa place devant le foyer, et après avoir fait un nouveau signe de tête à Dolce et à Zerbino, il s'étala tout de son long avec un soupir de résignation. « Il n'y a plus rien, il est inutile de demander. » Ce fut exprimé aussi clairement que par la parole. Ses camarades, comprenant ce langage, s'étalèrent comme lui devant le feu, en poussant le même soupir. Mais celui de Zerbino ne fut pas résigné, car à un grand appétit, Zerbino joignait une vive gourmandise, et ce sacrifice était pour lui plus douloureux que pour tout autre. La neige avait repris depuis longtemps, et elle tombait toujours avec la même persistance. D'heure en heure, on voyait la couche qu'elle formait sur le sol monter le long des jeunes cépés, dont les tiges seules émergeaient encore de la marée blanche qui allait bientôt les engloutir. Mais lorsque notre dîner fut terminé, on commença à ne plus voir que confusément ce qui se passait au dehors de la hutte, car en cette sombre journée, l'obscurité était vite venue. La nuit n'arrêta pas la chute de la neige, qui, du ciel noir, continua à descendre en gros flocons sur la terre blanche. Puisque nous devions coucher là, le mieux était de dormir au plus vite. Je fis donc comme les chiens, et après m'être roulé dans ma peau de mouton, qui exposée à la flamme avait séché durant le jour, je m'allongeai auprès du feu, la tête sur une pierre plate qui me servait d'oreiller. « Dors, me dit Vitalis, je te réveillerai quand je voudrai dormir à mon tour, car bien que nous n'ayons rien à craindre des bêtes ou des gens dans cette cabane, il faut que l'un de nous veille pour entretenir le feu. Nous devons prendre nos précautions contre le froid qui peut devenir âpre si la neige cesse. » Je ne me fis pas répéter l'invitation deux fois, et je m'endormis. Quand mon maître me réveilla, la nuit devait être déjà avancée, au moins je me l'imaginais. La neige ne tombait plus, notre feu brûlait toujours. « À ton tour maintenant, me dit Vitalis, tu n'auras qu'à mettre de temps en temps du bois dans le foyer. Tu vois que je t'ai fait ta provision. » En effet, un amas de fagots était entassé à portée de la main. Mon maître, qui avait le sommeil beaucoup plus léger que moi, n'avait pas voulu que je l'éveillasse en allant tirer un morceau de bois à notre muraille chaque fois que j'en aurais besoin, et il m'avait préparé ce tas dans lequel il n'y avait qu'à prendre sans bruit. C'était là sans doute une sage précaution, mais elle n'eut pas, hélas, les suites que Vitalis attendait. Me voyant éveillé et prêt à prendre ma faction, il s'était allongé à son tour devant le feu, ayant joli cœur contre lui, roulé dans une couverture. Et bientôt sa respiration, plus haute et plus régulière, m'avait dit qu'il venait de s'endormir. Alors je m'étais levé, et doucement, sur la pointe des pieds, j'avais été jusqu'à la porte pour voir ce qui se passait au dehors. La neige avait tout enseveli, les herbes, les buissons, les cépés, les arbres. Aussi loin que la vue pouvait s'étendre, ce n'était qu'une nappe inégale, mais uniformément blanche. Le ciel était parsemé d'étoiles scintillantes, mais si vive que fût leur clarté, c'était de la neige que montait la pâle lumière qui éclairait le paysage. Le froid avait repris, et il devait geler au dehors, car l'air qui entrait dans notre cabane était glacé. Dans le silence lugubre de la nuit, on entendait parfois des craquements qui indiquaient que la surface de la neige se congelait. Nous avions été vraiment bien heureux de rencontrer cette cabane. Que serions-nous devenus en pleine forêt, sous la neige et par ce froid? Si peu de bruit que j'eusse fait en marchant, j'avais éveillé les chiens, et Zerbino s'était levé pour venir avec moi à la porte. Comme il ne regardait pas avec des yeux pareils aux miens les splendeurs de cette nuit neigeuse, il s'ennuya bien vite et voulut sortir. De la main, je lui donnai l'ordre de rentrer. Quelle idée d'aller dehors par ce froid! N'était-il pas meilleur de rester devant le feu que d'aller vagabonder? Il obéit, mais il resta le nez tourné vers la porte, en chien obstiné qui n'abandonne pas son idée. Je demeurai encore quelques instants à regarder la neige, car bien que ce spectacle me remplît le cœur d'une vague tristesse, je trouvais une sorte de plaisir à le contempler. Il me donnait envie de pleurer, et quoiqu'il me fût facile de ne plus le voir, puisque je n'avais qu'à fermer les yeux, ou à revenir à ma place, je ne bougeais pas. Enfin, je me rapprochai du feu, et l'ayant chargé de trois ou quatre morceaux de bois croisés les uns par-dessus les autres, Je crus que je pouvais m'asseoir sans danger sur la pierre qui m'avait servi d'oreiller. Mon maître dormait tranquillement. Les chiens et Jolicoeur dormaient aussi. Et du foyer avivé s'élevaient de belles flammes qui montaient en tourbillon jusqu'au toit, en jetant des étincelles pétillantes qui seules troublaient le silence. Pendant assez longtemps, je m'amusais à regarder ces étincelles. Mais peu à peu la lassitude me prit et m'engourdit sans que j'en eusse conscience. Si j'avais eu à m'occuper de ma provision de bois, je me serais levé, et en marchant autour de la cabane, je me serais tenu éveillé. Mais en restant assis, n'ayant d'autre mouvement à faire que d'étendre la main pour mettre des branches au feu, je me laissais aller à la somnolence qui me gagnait, et tout en me croyant sûr de me tenir éveillé, je me rendormis. Tout à coup, je fus réveillé en sursaut par un aboiement furieux. Il faisait nuit. J'avais sans doute dormi longtemps, et le feu s'était éteint, tout au moins, il ne donnait plus de flamme qui éclairasse la hutte. Les aboiements continuaient. C'était la voix de Capi, mais chose étrange, Zerbino, pas plus que Dolce, ne répondait à leurs camarades. « Eh bien quoi ? » s'écria Vitalis, se réveillant aussi. « Que se passe-t-il ? » « Je ne sais pas. » « Tu t'es endormi et le feu s'est éteint. » Capi s'était élancé vers la porte, mais n'était point sorti. Et c'était de la porte qu'il aboyait. La question que mon maître m'avait adressée, je me la posai. Que se passait-il? Aux aboiements de Capi répondirent deux ou trois hurlements plaintifs dans lesquels je reconnus la voix de Dolce. Ces hurlements venaient de derrière notre hutte et à une assez courte distance. J'allais sortir. Mon maître m'arrêta en me posant la main sur l'épaule. « Mets d'abord du bois sur le feu, » me commanda-t-il. Et pendant que j'obéissais, il prit dans le foyer un tison sur lequel il souffla pour aviver la pointe carbonisée. Puis, au lieu de rejeter ce tison dans le foyer, lorsqu'il fut rouge, il le garda à la main. « Allons voir, » dit-il, « et marche derrière moi. En avant, Capi. » Au moment où nous allions sortir, un formidable hurlement éclata dans le silence, et Capi se rejeta dans nos jambes, effrayé. « Ce sont des loups. Où sont Zerbino et Dolce ?» À cela, je ne pouvais répondre. Sans doute, les deux chiens étaient sortis pendant mon sommeil. Zerbino réalisant le caprice qu'il avait manifesté et que j'avais contrarié, et Dolce suivant son camarade. Les loups les avaient-ils emportés ? Il me semblait que l'accent de mon maître, lorsqu'il avait demandé où ils étaient, avait trahi cette crainte. « Prends un tison, me dit-il, et allons à leur secours. » J'avais entendu raconter dans mon village d'effrayantes histoires de loups. Cependant, je n'hésitai pas. Je m'armis d'un tison et suivis mon maître. Mais lorsque nous fûmes dans la clairière, nous n'aperçûmes ni chien ni loup. On voyait seulement sur la neige les empreintes creusées par les deux chiens. Nous suivîmes ces empreintes. Elles tournaient autour de la hutte, puis à une certaine distance se montrait dans l'obscurité un espace où la neige avait été foulée, comme si des animaux s'étaient roulés dedans. « Cherche, cherche, Capi !» disait mon maître, et en même temps il sifflait pour appeler Zerbino et Dolce. Mais aucun aboiement ne lui répondait, aucun bruit ne troublait le silence lugubre de la forêt, et Capi, au lieu de chercher comme on lui commandait, restait dans nos jambes, donnant des signes manifestes d'inquiétude et d'effroi, lui qui, ordinairement, était aussi obéissant que brave. La réverbération de la neige ne donnait pas une clarté suffisante pour nous reconnaître dans l'obscurité et suivre les empreintes. À une courte distance, les yeux éblouis se perdaient dans l'ombre confuse. De nouveau Vitalis siffla, et d'une voix forte, il appela Zerbino et Dolce. Nous écoutâmes. Le silence continua. J'eus le cœur serré. Pauvre Zerbino, pauvre Dolce. Vitalis précisa mes craintes. « Les loups les ont emportés, » dit-il. « Pourquoi les as-tu laissés sortir ?»« Ah oui, pourquoi ? Je n'avais pas, hélas, de réponse à donner. »« Il faut les chercher, » dis-je, et je passai devant. Mais Vitalis m'arrêta. « Et où veux-tu les chercher ? » dit-il. « Mais je ne sais pas, partout. »« Comment nous guider au milieu de l'obscurité et dans cette neige ?» Et de vrai, ce n'était pas chose facile. La neige nous montait jusqu'à mi-jambe, et ce n'était pas nos deux tisons qui pouvaient éclairer les ténèbres.